C'est négatif. C'est petit. C'est coûteux. C'est total. Un dépôt. Un sac. Un soldat. Un mot. Un décor. Observez, s'il vous plaît. Un canal. Un chocolat. Un départ.